Moi je trouve quand même que ça fait un peu cliché, tu vois, le disque qui commence avec le machin, genre tourne-disque. Enfin, c'était fait et refait, tu veux dire. On n'a qu'une occasion de faire une première impression, quoi. Hein?